toutes les Parisiennes dignes de ce nom, toutes les provinciales élégantes de passage dans la capitale, connaissaient en 1830 le magasin de frivolité à la Dame du Lac. C'était une maison sérieuse, parfaitement assortie selon la mode du jour, en bonnet, châle, gants, dentelles et autres fanfreluches. Les patrons, M. Eugène Chocard et Mme Prudence Chocard, fort entendus dans leur métier, étaient secondés à la vente par leurs deux filles, Adèle, l'aînée, pleine de cœur et de vertus commerçantes, et la cadette Malvina, brillante, imaginative, romanesque. À ces demoiselles s'ajoutaient l'aimable essaim des jeunes employés dont la première s'appelait Caroline. Le personnel se complétait par un premier commis, M. Arthur, la perle des calicots. Depuis une semaine, c'est-à-dire depuis le 20 juillet, il y avait aussi un second commis, M. Jules, qui ne semblait pas très bien connaître le travail, mais qui était joli garçon, élégant et de bonne tournure. Ce matin, 27 juillet 1830, M. Jules est parti aux nouvelles. En effet, l'émeute commence de gronder dans Paris. Cependant, la Dame du Lac a ouvert comme chaque jour ses volets sur la rue de l'Harpe, voisine du Pont-Neuf, et les ouvrières s'activent à leurs besognes coutumières, tandis que la synthèse des événements flotte déjà dans l'air que nous écoutons. Les demoiselles de magasin travaillent sous la direction de Caroline. Devant le magasin. Bonjour, madame Rival. Bonjour, monsieur Pinard. J'ai rien de nouveau? Monsieur Jules est allé aux nouvelles. Oh, le voici! Monsieur Jules, est-ce qu'on va se battre? Oh, c'est probable, mesdemoiselles. Le mécontentement est général. Voici le national, petite demoiselle. On nous apporte le journal, un beau bourgeois à domicile. Ce journal, le national, malgré le moment difficile, malgré Polignac, qui l'eût cru, le national a paru. Vive le national! Vive le national! Ne voulez-vous pas nous le lire? Ne voulez-vous pas nous le lire? Nous avons soif, car nous avons soif de nouvelles. Très volontiers, mais de quoi c'est? 26 juillet 1830, la rente 3%, la rente a baissé de 7 ou 8 points au moins. Monsieur de Rothschild croyait à la hausse, sa prévision était fausse. Qui sommes dans le chiffon? Nous les empêchons, nous les empêchons. Mesdemoiselles, soyez sérieuses, ou du moins soyez curieuses. Voulez-vous savoir ce qu'en dit Monsieur Thiers? Oui! Monsieur Thiers n'est pas royaliste, il n'est pas non plus communiste. Son cœur est avec le bourgeois, je crois, mais il est, croyant la lutte inégale, pour la résistance légale. Mesdemoiselles, soyez sérieuses, ou du moins soyez curieuses. Voulez-vous savoir ce qui se passe à l'Institut? Oui. Monsieur Arago, sans hyperbole, loi Fresnel sous la coupole. Mais avant qu'il prît la parole, messieurs Cuvier et Villemain ont failli en venir aux mains. Nous le fichons sans hyperbole. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous intéresser? Ah, la réunion chez Monsieur Dupin aîné. Ah. Un grand nombre de journalistes manifestent l'intention d'imprimer sans permission leurs articles pur royalistes. Qu'a répondu Monsieur Dupin aîné à tous ces forcenés? Monsieur Dupin leur a dit en substance: combiner la désobéissance avec le respect des lois, c'est faire acte d'indépendance et de civisme à la fois. Combiner la désobéissance avec le respect des lois, avec le respect des lois, c'est faire acte d'indépendance et de civisme à la fois. Et de civisme. C'est la plus belle des formules. Sentez-vous que battent vos cœurs? Comment ne pas être vainqueur? C'est la plus belle des formules. Imprégnons-nous-en tous en cœur. Et reprenons au chant de l'atelier. La vendeuse dans la pole, l'hiver commettait beaucoup de jour, la copole, la frivolité, le confondre la terre dans les enterrés, c'est du bon les événements, montrer de mal les épérés, c'est du plus aux éperons. Alors c'est mis au chagrin, c'est mon dévorant, étudie la romance à la mode. Connaissez-vous celui que j'aime, pour qui je braverai l'enfer? À force de la chanter, elle finira bien par la connaître. Allons, mademoiselle. Reconnaissez-vous pas vos comptoirs? Oh. Vous êtes bien distraite et bavarde aujourd'hui. Vous ne savez donc pas ce qui se passe, mademoiselle Adèle? Non, mon père est allé à une grande réunion de notables commerçants. Il n'est pas encore revenu. Eh bien, le duc de Raguse a pris le commandement des troupes royales. Monsieur de Rothschild a perdu toute sa fortune en jouant à la hausse. Et monsieur Jules dit que ce soir, Paris sera couvert de barricades. Il n'en sait rien. Et puis, si vous voulez que je vous donne un bon conseil, n'écoutez pas trop, monsieur Jules. Oh, mademoiselle Adèle, il est si gentil, monsieur Jules. Si distingué. Et il parle si bien. Oh oui, il parle bien. Il se sert du plus pur langage, comme un héros de monsieur Balzac. Quelque histoire d'amour, je gage, la conduit à la dame du lac. Ce n'est pas le commis vulgaire d'une éducation primaire. Ce n'est pas le commis banal, sans idéal, qui marque mal. Non, cet enfant séduisant commis et si bien mis que j'en frémis. S'il était un de vos amis, l'on sent que tout lui serait permis. Monsieur Jules. Oh. Monsieur Jules, monsieur Jules. Si vous voulez que je vous dise mon sentiment, monsieur Jules a dans sa mise trop d'ornements. Vous ne me ferez pas comprendre qu'être un dandy soit indispensable pour vendre de l'orgondie. Je n'aime pas les romantiques, un employé à quelques usages pratiques doit se ployer. Et pour être commis fidèle, capable et sûr, que ne prend-on comme modèle, que ne prend-on comme modèle, monsieur Arthur? Oh, monsieur Arthur? Oui, oui, monsieur Arthur. Monsieur Arthur est un jeune homme très ponctuel, intelligent, très économe, spirituel. Il ne prend pas pour vous séduire des airs flambants, mais qui mieux que lui saurait dire. Voyez Durban, voyez Durban. Voyez cravate, voyez chapeau, que je vous plains si vous répate plutôt propos. Je craindrais d'un homme qui fume le souffle pur. Il ne fume ni sa parfume, il ne fume ni sa parfume. Monsieur Arthur, est sèche. Quand elle parle de lui, elle en a plein la bouche. N'empêche que pour un employé si ponctuel, il est en retard. 1h30. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Arthur. Monsieur Arthur, je commençais à être inquiète. Je craignais qu'il ne vous fût arrivé malheur. Mais comme vous êtes bien mis. Un jour pareil, c'est de l'héroïsme. Vous rappelez-vous, mademoiselle Adèle, quel jour et en quelle année je suis entrée chez votre père en qualité de second commis? Je crois bien, monsieur Arthur, que je me rappelle. C'était le 27 juillet 1825. Et le jour où la première fois j'ai franchi le seuil de cette boutique, j'avais décidé de faire, 5 ans après, jour pour jour, le 27 juillet 1830, aujourd'hui par conséquent, une demande que je qualifierais de solennelle. Une demande solennelle? Ah, mon Dieu! Une demande solennelle? Ah, voici monsieur Chocard, avec monsieur Jules. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur Arthur. J'ai des choses très importantes à annoncer à tout le monde. Adèle, mon petit, va dire à ta mère et à ta sœur qu'elles viennent ici. Oui, papa. Mademoiselle, à vos comptoirs, voyons. Travaillez, et en silence, allons. Monsieur Jules, un de mes amis vous a rencontré l'autre jour sur le boulevard de Gand. Vous fumiez un énorme cigare. C'est possible, monsieur Jacquard. Vous n'en niez pas. Eh bien, monsieur, je n'entends pas que mon second commis se promène sur le boulevard, un cigare à la bouche, et se donne des airs de gandin, de fashionable, de lion et de dandy. J'ai dit. Tu m'as demandé, mon ami. Oui, oui, ma bonne, oui. Mais où est Malvina? Elle vient, mon ami. Ah. Elle me suit. Pour qui je brave, mon père? Vous m'avez demandé? Oui, oui, oui, mon enfant. Oui, il s'agit de choses sérieuses. Les événements se précipitent. Ça sent la poudre. Poudre à la maréchale, poudre à la bergamote, à l'iris, Non, il ne s'agit pas de celle-là. Avant la fin de la semaine, après-demain, demain peut-être, le drapeau tricolore, remplaçant le drapeau blanc, flottera sur tous les monuments. Les trois couleurs vont se vendre comme des petits pâtés. Il s'agit donc d'arriver les premiers. Ces demoiselles vont confectionner des cocardes, des écharpes, des bouquets. Nous avons des clientes de toutes les couleurs. Oui. Il ne faudrait pas que quelqu'un en entrant par hasard vit ses préparatifs. Vous avez raison, Arthur, vous avez raison. Aussi, nos jeunes filles vont travailler au sous-sol. Toi, Adèle, tu feras un modèle de cocarde que ces demoiselles copieront. Oui, papa. Et toi, Malvina, tu feras un modèle de bouquet. Oui, papa. Vous avez entendu, mesdemoiselles? À l'ouvrage, voyons, à l'ouvrage. Bonjour, madame. Oh mon Dieu. C'est très simple. Oh, pour l'amour du ciel, Léo Acadie, taisez-vous. Nous avons un très joli lot d'écharpes et de véritables occasions en plumes, turban et colifichet. Tenez, voyez turban. Oh, j'y pense bien. Je voudrais un verre d'eau. Bien, madame. Avec un peu de grenadine. Mais ne l'écoutez pas, voyons. C'est surtout un refuge que je viens de vendre. J'ai les jambes coupées. Asseyez-vous, madame. Oh, mon Dieu. Pourquoi ne suis-je pas restée chez moi? J'allais vous le demander. Il faut vous expliquer, j'avais mal aux dents. Mais oui, je voulais en effet conduire cet enfant chez le dentiste. Vous ne pouvez pas vous figurer. Ici, c'est calme, tranquille. Mais à deux pas, la rue est en effervescence. Évidemment, il y a du bruit. Un bruit auquel on n'est pas habitué. Et il fait une chaleur. Oh! Des hommes m'ont tutoyé. Ils avaient bu. Oh, ils ont de la chance, moi. J'ai une soif. Mais silence, petite sotte. Ils m'ont appelée gosse. C'est divertissant. Vous tairez-vous à la fin? Oh, mes jambes refusaient de me porter. J'ai vu une boutique ouverte. Je suis entrée. Je suis morte. Oh. Voici un verre d'eau et une carafe. Merci, mademoiselle, merci. Vous me sauvez la vie. Là. Êtes-vous remise, madame? Oui, mais merci, monsieur. Ça va beaucoup mieux. Nous allons partir. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'oubliez pas notre adresse. À la Dame du Lac, rue de l'Arc. Mais je n'oublierai pas. Merci, mademoiselle. À la bonne heure, une boutique ouverte en pleine émeute. Tiens, Birotteau. Ah non, non, il y a erreur, monsieur. Je m'appelle Chocard. Et pourtant, Birotteau, c'est ce que je dis. Oui, ce qui se passe aujourd'hui peut troubler les esprits. Vous avez des nouvelles? Les gendarmes à cheval ont fait une charge dans la rue de Valois. Oh. Ils ont sabré les fuyards dans la rue des Fontaines. De l'autre côté de l'eau, on élève partout des barricades. Dites-moi, oui. Pourriez-vous me montrer des châles? C'est notre fille Malvina qui s'occupe des châles. Nous avons deux filles, monsieur. Deux filles. Oui, et deux commis. Oh, deux filles et deux commis. Oui. Quel roman. Ah non, il n'y a pas de roman ici. Il y a toujours des romans quelque part. Oh, maman, que ce gros homme peut être commun. Oh, mais voulez-vous vous taire, voyons. C'est bien le jour de remarquer qu'il y a des gens communs. Malvina, veux-tu voir avec monsieur? C'est pour un châle. Tenez, voyez, choisissez. Ils viennent tous des Indes. Oui, mais celui-ci particulièrement. Combien celui-ci, Malvina? Peu importe. Elle a dit peu importe. Comment peu importe? Elle a raison, peu importe. Hein? Il est ravissant. Envoyez-le chez moi. Le nom, l'adresse, s'il vous plaît. Monsieur Honoré de Balzac, rue Cassini. Oh. Oui, on paiera chez moi. Non, écoutez, c'est que l'usage ici, monsieur de Balzac, est de payer tout de suite. Oh, mais vous n'y pensez pas, mon père. Vous n'allez pas traiter comme un client ordinaire un homme qui fait partie de cette phalange d'écrivains, hein? De poètes, de romanciers dont la France sonore. Je... Oh, non, non, non, non. Monsieur de Balzac, vous ne paierez pas ici. Je... Vous paierez chez vous. Et même... Vous ne paierez pas du tout. Oh, non, mais tu es fort. C'est la première fois que ça m'arrive. Une admiratrice dans une obscure boutique dans la rue de la Harpe. Mademoiselle, voulez-vous me laisser lire dans votre main? Ah, belle ligne de cœur. Oui, ligne de tête magnifique. Mademoiselle, vous épouserez un grand artiste. Oh, et je veux faire plus encore. Voyez, braves gens, Birotteau, Chocard, là, oui. Vous tous, quand elle s'éveillera, vous pourrez lui dire que monsieur de Balzac l'a embrassée. Ah, mais non! Mais si. Oh, mais voilez vos yeux, Léocadie. Ah, allons, au revoir, au revoir. Monsieur de Balzac. Monsieur de Balzac. M'a embrassé. L'a embrassé. Monsieur de Balzac l'a embrassé sans nulle préparation. Toute limite est dépassée, c'est bien la révolution. Monsieur de Balzac l'a embrassé. Léocadie, allons-nous-en. Maman, vous semblez courroucée, c'était pourtant bien amusant. Monsieur de Balzac l'a embrassé et cette cliente a raison. Elle est choquée, elle est froissée, c'est très mauvais pour la maison. Monsieur de Balzac l'a embrassé, c'est une aimable privauté. Et votre humeur est déplacée de ses dommages à la beauté. Monsieur de Balzac l'a embrassé, jamais à la dame du lac. La pudeur ne fut offensée avant ce monsieur de Balzac. Monsieur de Balzac l'a embrassé parce qu'il écrit des romans. Il embrasse ma fiancée, je blâme ses attouchements. Monsieur de Balzac l'a embrassé sur le front fort honnêtement, sans aucune arrière-pensée. Et vous voulez mon sentiment. Monsieur de Balzac l'a embrassé, mais c'est une illustration. Je ne me sens pas blessé dans notre réputation. Monsieur Balzac l'a embrassé et cette cliente a raison. Elle est choquée, elle est froissée, c'est un mauvais pour la raison. Monsieur de Balzac l'a embrassé, regarde notre pauvre sœur. Laissant Malvina à sa glorieuse émotion, Madame de Régalier et sa fille s'en vont et chacun retourne à son ouvrage. Adèle suit tendrement des yeux son cher Monsieur Arthur. Pauvre Adèle, Monsieur Arthur lui préfère sa pétulante sœur. Avec l'autorisation de Monsieur Chocard, c'est à Malvina qu'il adresse sa demande en mariage. Mademoiselle Malvina. Monsieur Arthur. Je viens d'avoir une grave conversation avec Monsieur votre père. Mais asseyez-vous donc. Merci, je ne suis pas fatiguée. C'est à cause de l'émotion que vous allez éprouver. Vous n'avez jamais songé à l'avenir, Mademoiselle Malvina? Si. Comment le voyez-vous? Ça dépend. Moi, j'y ai songé pour vous, pour moi, pour nous deux. Ah. Savez-vous, Mademoiselle Malvina, en quelle année et quel jour je suis entrée chez monsieur votre père en qualité de second commis? Ma foi, non, monsieur Arthur. C'était le 27 juillet 1825, et ce jour-là, je me suis donné 5 ans, jour pour jour, avant de demander la main de votre sœur Adèle. Durant ces 5 ans, j'ai fait de mon mieux pour conquérir l'estime de mes patrons. J'ai réussi. Monsieur Chocard vient de m'en donner une preuve indéniable, en se montrant disposé à m'accorder votre main. Oh, mon Dieu! Ah, je savais bien que vous seriez obligé de vous asseoir. Moi-même, si l'on m'avait dit ça, la première fois que je vous ai vu. Ah, mais maintenant, je n'ai plus les mêmes sentiments. J'avais 18 ans et toutes mes dents, je les ai encore et je vous adore. Il me serait doux d'être votre époux. Que répondez-vous? Elle est contente. Je ne mettrai pas dans votre corbeille des dentelles, ni des bijoux, colliers, bracelets et pendants d'oreilles. Tout cela coûte des prix fous. Alors, messieurs, qui mettez-vous? Pour cette fête solennelle, dans la boutique paternelle, à vos petits pieds, pour ma reine, je mettrai le gaz hydrogène. Vous vocalisez à ravir. Pour vous servir. Oui, vous me gâtez, mais vous m'apportez un cœur infidèle en ma sœur Adèle. Comment voulez-vous, mon futur époux, que je croie en vous? Comment voulez-vous? Tout en me parlant de sa sœur, elle ne peut cacher sa joie. L'affaire est en très bonne voie, elle est au comble du bonheur. Je ne pourrai pas, sans être perverse, me marier avant ma sœur. Ça ne s'est jamais fait dans le commerce. Gloire et malheur. Je vous apporte le bonheur. Ma sœur Adèle est en l'aînée. Elle vous était destinée. Moi, je ne suis que la cadette. Il ne veut pas être coquette. Suis-je pas un parti sortable, détestable, acceptable, redoutable, présentable, respectable, confortable, souhaitable, délectable. Je parle sérieusement. Et moi, j'ai chanté perdument. Partout dans ces modes piquées, mes oreilles sont fatiguées, fatiguées. Vous vocalisez à ravir. Pour m'étourdir, pour vous servir. Vous vocalisez à ravir, à ravir, à ravir. Et à présent que vous connaissez mes sentiments, que vais-je dire à monsieur votre père qui m'a autorisé à vous pressentir? Vous lui direz que vous m'avez pressenti et que je réfléchirai. Je n'en demande pas davantage. Merci, lumière de ma vie. Merci, buse de mon foyer. Merci, sainte pudeur, future mère de mes petits-enfants. Merci, Malvina. Il n'y a pas de quoi. Ah, mon petit carnet. Inscrivons cet événement dans le journal de ma vie. Aujourd'hui, 27 juillet 1830, en des termes dénués de poésie, Monsieur Arthur vient de demander ma main. Jamais, jamais je n'épouserai Monsieur Arthur. Ah non, non, non, je n'épouserai que celui que j'aime. Ah, je ne le connais pas, mais je l'épouserai. Dût-il en mourir, et moi aussi. Ah, oh, oh, celui que j'aimerais sera un poète, un grand artiste. Monsieur de Balzac me l'a prédit. Oui, un grand artiste, comme dans ma chère romance. Connaissez-vous celui que j'aime, pour qui je braverai l'enfer? Il est pâle, un rictus amer, crispe sa bouche et qui blasphème. Son air fatal et ténébreux fait frissonner toutes les femmes. Ses grands yeux noirs jettent des flammes. Il est dantesque et sulfureux. Il est poète, il est artiste. Nulle femme ne lui résiste, nulle femme ne lui résiste. Qui lui résisterait? Il l'assassinerait. Qui lui résisterait? Il l'assassinerait. Malédiction, anathème, moi, la jeune fille au front pur, je franchirai grilles et murs pour joindre celui que j'aime. C'est mon lion, c'est mon Alfred, il est ogive, il est... artiste, nulle femme n'a lu. J'arrive à temps. Excusez-moi l'indiscrétion, ne l'attribuez qu'à cette atmosphère spéciale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais monsieur... Sachez que quelqu'un dans l'ombre vous comprend. Oh, tant pis, ce n'est pas un jour ordinaire, alors ce soir, je brûle mes vaisseaux. Mademoiselle Malvina, je vous aime. Oh, monsieur, monsieur, pas un mot de plus ou j'appelle mon père. Oh, vous ne douterez plus de mon amour quand vous saurez ce que j'ai fait pour vous. Qu'avez-vous donc fait pour moi? Sinon, depuis 8 jours que vous êtes ici, de me regarder d'une façon gênante et de m'adresser en ce moment une déclaration... inconvenant. Écoutez, mademoiselle Malvina, les minutes sont précieuses. Aujourd'hui, 27 juillet 1830, le peuple souverain fait entendre son rugissement, mais l'amant respectueux fait entendre son murmure. Il y a 8 jours, comme je passais devant la Dame du Lac, je vous ai aperçu. Ah, vision céleste. Oui, c'est d'une façon étrange que tout mon cœur à vous, cher ange, se donna. Comme je passais dans la rue, soudain vous m'êtes apparu, Malvina. Vous oignez de la mousseline avec une grâce divine, Malvina. Et cette vulgaire boutique d'une vision poétique rayonna. Cette image parfaite, mon admiration muette s'inclina. Oh, la merveilleuse surprise, cheveux d'or et main de marquise, Malvina. Il me vint une folle idée. Avons-vous mon âme obsédée, Malvina? Sous un maintien fier et modeste, une créature céleste, Malvina. Alors j'entrais chez votre père, modeste employé, pauvre père, et qui n'a que ce moyen problématique de vous être un peu sympathique. Oui, c'était vous, vous, la beauté dont je rêvais. Et je me suis présenté ici pour vous approcher. J'ai affronté monsieur votre père. J'ai brigué le ridicule d'être son commis. Maintenant, il faut que vous sachiez qui je suis. Pas un commis ordinaire. Oh, évidemment. Seriez-vous vicomte? Mieux. Marquis? Mieux. Duc, prince? Mais mieux, mieux, vous dis-je. Oh, mon Dieu! Seriez-vous monsieur Alfred de Musset? Non. Mieux? Autre chose. Artiste? Oui. Valérien des Ormeaux. Le grand compositeur? Non, le jeune compositeur. L'auteur de Connaissez-vous celui que j'aime? Oui, Valérien des Ormeaux lui-même. Oh, Valérien, Valérien, c'est joli à dire. Vous trouvez? Oh, j'aime Valérien. Et moi, j'aime Malvina. Oh, maintenant, séparons-nous. Je ne peux pas être votre femme. Mon père m'a promise à monsieur Arthur. Mais vous ne l'aimez pas? Oh, je le hais. Adieu. Comment vous dites adieu à un homme qui va se battre? Oh, Jules, Valérien, je vous le défends. Et si vous êtes tué? Je ne serai pas tué. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi? Parce que vous m'aimez, que je vous aime. Prenez ce bouquet. Je l'ai composé avec de simples fleurs des champs. Mais artificielles, c'est ce qui en fait tout le prix. Il vous portera bonheur. Monsieur Jules, allez donc là-haut tailler des toffes pour les drapeaux, comme le patron vous l'a ordonné. Alors, vous avez entendu? Oh, ne te fâche pas, fiston. Fiston? N'a-t-on jamais vu? Mais oui, mon vieil Arthur. Son vieil Arthur? Qu'est-ce que c'est, façon-là? Son vieil Arthur? Mademoiselle Malvina, il faut absolument que je vous parle. Que vous disait donc monsieur Jules de si intéressant? Il me disait qu'il allait se battre, lui, et qu'il pouvait être tué demain. Et c'est pour ça que vous lui avez donné ce petit bouquet. C'est exactement pour ça. Ces demoiselles ne veulent plus travailler dans le sous-sol. Elles prétendent que l'air est irrespirable. Il est vrai qu'il y fait une chaleur. Enfin, je leur ai permis de venir travailler ici, car la maison ne fermera qu'à 7 heures, comme les jours ordinaires. Vous avez entendu, mesdemoiselles ? Au travail ! Alors, au travail ! Et si par hasard vous voyez entrer une cliente, mais nous ne verrons personne, cachez-moi les cocardes, les mouchoirs et les bouquets dans les tiroirs. Oui, monsieur Arthur. Bien. Monsieur Chocard, s'il vous plaît. Justement, le voici. Que désirez-vous, monsieur ? Messieurs Picron et couvre-chef, mes patrons, m'envoient vous dire que Marmont a fait sortir les troupes de leur caserne. Le 15e léger se dirige vers Pont-Neuf. Oh, mais c'est tout près, ça. Des détachements de la ligne et des patrouilles de dragons parcourent tous les quartiers. Messieurs Picron et couvre-chef disent que vous feriez bien de mettre les volets. Merci, mon ami, merci, merci. Bon, eh bien, je vais dire à Ferdinand de mettre les volets. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'en dites-vous, monsieur Arthur ? Je dis, madame Chocard, que mademoiselle Malvina a remis un bouquet tricolore à monsieur Jules. Oh, je vous accorde qu'elle est un peu exaltée. Ah, voici une cliente. Vite, mesdemoiselles, cachez toutes ces cocardes. Vous désirez, madame ? Encore un verre d'eau ? Non, je désirerais m'asseoir. Et le dentiste m'a arraché une dent. J'en suis ravie. J'ai droit à un col effiché. Mais oui, oui, vous l'aurez, Léo Cadi. Je voudrais un col de guipure. Mademoiselle Caroline, allons envoyer un col de guipure. Pendant ce temps-là, je voudrais essayer une paire de gants. Monsieur Jules. Monsieur Jules. Voilà, madame. Vous désirez des gants, madame ? Oui, monsieur. De quelle couleur ? Non. Mais blanc, cela va sans dire. Quelle pointure ? 6 1/4. Désirez-vous essayer ? Oui, s'il vous plaît, cher monsieur. Oh, vous essayez très bien. Je fais de mon mieux. Monsieur, plus je vous considère, plus je trouve que vous ressemblez étrangement à ce jeune compositeur que j'ai rencontré chez la comtesse de Puisserjac. Ah oui ? Je ne pourrais me rappeler son nom, je suis tellement troublée. Voyons, des roseaux, des bouleaux, du tilleul, c'est un nom d'arbre. Oh, aidez-moi donc, vous savez bien, l'auteur de « Connaissez-vous celui que j'aime ?» Ah, c'est Valérien des Ormeaux. Vous vous trompez, madame. Jules Dupont, deuxième commis chez Monsieur Chocard. Oh, vraiment ? Mais une telle ressemblance, c'est curieux. Vous essayez très bien. Mademoiselle Malvina, vous n'entendez pas un mot de ce que je vous dis. Vous ne quittez pas des yeux, Monsieur Jules. Comme il est aimable avec cette femme. Mais écoutez! Ah, ça, mais ça devient sérieux! Oh, et tous ces hommes qui entrent ici! Allons, du courage, Arthur! Mon mari, avec eux! Oh, qu'il est beau! Le chef! Regardez donc, monsieur Chocard! Il a passé son uniforme! Il a passé son uniforme! Il a passé son uniforme. Oui, j'ai passé mon uniforme. Je l'ai retiré du placard. J'espère que c'est pour la forme, hein, que vous êtes ainsi vêtu. Pour la forme, pour la forme. Ai-je bien entendu? Pour la forme, pour la forme. Ce que vous dites est énorme. Il est énorme. Mais je vais vous désabuser. Et ce n'est pas pour m'amuser que j'ai revêtu l'uniforme du corps national dont je suis caporal. Cet uniforme, cet uniforme, le transport. Cet uniforme, cet uniforme. Pour la forme, belle dame, je vous informe, quand la tyrannie est sans frein, qu'un bon citoyen se conforme aux vœux du peuple souverain. En entonçant cet uniforme, mon cœur est devenu terrain. Cet uniforme, cet uniforme, cet uniforme, le transforme. Écoutez, c'est le son du tambour et les clairons sonnent la charge. Votre Arthur n'emmène pas large. Il n'aime pas le tambour. Écoutez, écoutez, c'est la troupe, et ces clairons sonnent la soupe que Charles X peut nous tromper. Oui. Nous ne le laisserons pas faire. Nous ne le laisserons pas faire. saison parfaite. Et nous serons la détrompée. Je déteste cette atmosphère. Combinez la désobéissance avec le respect des lois. C'est faire acte d'indépendance et de justice à toi. Alors, monsieur, c'est la révolution. Oui, madame, je crois que nous allons avoir des journées. Oh, mon Dieu, des journées. Tout cela, pour moi, n'est pas neuf. Il était dans mes destinées, madame, de voir des journées. Je naquis en 89. En 89, le jour où l'on brisa les grilles de la Bastille. J'ai vécu de grandes années et je ne saurais m'émouvoir comme vous, madame, de voir d'autres journées. J'étais un bon petit garçon, très sensible, mais à l'école, tous nous chantions la Carmagnole. Vive le son, du canon, et même la fausse en déplaise, la Marseillaise. Mais savez-vous seulement pourquoi vous vous battez? Ah, si l'on saurait, pourquoi l'on se battrait, dit ma charte. On se battrait jamais, pour moi tout ce que je sais, c'est que le roi a mis les pieds dans la tarte. Dit ma charte. Quand on est de Paris, même de Montsouris, dit ma charte. On est toujours bon pour un goût de tampon. Quand on est de Paris, même de Montmartre, dit ma charte. Qui t'en profitera cette fois-ci, ce sera dit ma charte. Ce sera des bourgeois, grand-père a vu le coup avec Bonaparte. Vive la charte! Ils prieront en cœur, le peuple est vainqueur. Vive la charte! Vive la charte! Nous serons l'aignon, de quoi nous nous plaignons. Et quand c'est fini, de nous on s'écarte. Vive la charte! Et pour le coup de chien, on le trouve très bien. Vive la charte! Vive la charte! Ne retardez pas, je m'en vais de ce pas sur la barricade, planter ma pancarte. Vive la charte! Savait pourquoi qu'on se battrait, vive la charte. Vive la charte. On se battrait jamais, pour moi tout ce que je sais, c'est encore le peuple qui verra la tarte. Vive la charte. Voyez déjà l'ombre tend ses voiles. Bientôt les étoiles vont briller et veiller. Allons camarades, pour les barricades, soulevez les pavés. Allons, venez. Allons, venez. Et demain, au milieu de la fusillade, de la canonnade, de la mitraillade, tous camarades, nous serons à la barricade. Au milieu de la fusillade, de la canonnade, de la mitraillade.